Hein? Trop fort ou pas assez? Vous êtes? Non, ça sent du gros ça. Ça sent le casque. Génération manga, ouais, allez, allez. C'est Génération manga épisode 498. On a plein de choses à vous raconter sur diverses conventions et diverses soirées auxquelles nous avons assisté, toutes ces sortes de choses. Chris est là. Salut. Donc Génération manga 498, ça j'ai déjà dit. Et donc par quoi tu veux commencer? Tu es allé donc à la soirée Retour vers le futur. Oui, là, c'était au Grand Rex, c'est ça, à Paris. Au Grand Rex, non, ce n'est pas un chien, le Grand Rex. Oui. c'est une fameuse salle de spectacle et en d'autres lieux aussi un cinéma. Mm-hmm. Bah oui, en l'occurrence. En l'occurrence. C'était vraiment énorme, on va en parler, mais un petit jingle quand même pour introduire. Non, mais attends, mais je suis pas prêt, Coco. Ce sujet, bah, y aura plein de choses au programme, hein, donc où, on où va attends, vous parler de, donc, de cette fameuse soirée Retour vers le futur, et puis il y a 2-3 infos sur la saga également. On va parler aussi de Lady Oscar. Ah bon, il y a des news autres. Là-dessus. Il y a des news, encore un petit peu de Lupin, du Angel Art, enfin, et puis des conventions avec un invité qui interviendra probablement faisant, au ouais. téléphone d'accord. Voilà, pendant l'émission. Juste après ça. Un beau joli programme. Mais donc, du Retour vers le futur, vous allez en bouffer, hein, et forcément. Et oui, c'est l'anniversaire, et les 30 ans en plus, voilà. C'est pas rien, hein. Effectivement. Donc les 30 ans à la fois du film et de l'arrivée de Marty en 2015, donc dans le futur, les deux. Exactement, voilà. C'est pour ça que c'était un événement qui a été couvert un petit peu partout sur la planète. Voilà. Mais on a eu de la chance, pour une fois, les Frenchies, on a eu un événement de taille, un des plus gros événements, puisque hormis ce qui s'est passé et à Hollywood et à Los Angeles pour les States, bah dans le reste du monde, c'est pas passé grand-chose, sauf à Paris, au Grand Rex, une soirée de folie, le 21 donc, octobre. Mais le jour J, effectivement, le jour J, donc voilà, c'est ce qui était énorme. Alors, on nous avait promis beaucoup de choses, on était allé un petit peu avec une appréhension, hein, les fans, parce qu'on se disait, ouais, c'est trop beau pour être vrai, etc. Et puis souvent, les effets d'annonce, on sait ce que ça donne. Ouais. Alors ça a été au-delà des espérances, de mes espérances, de celles des différents fans que j'ai pu rencontrer là-bas et qui j'ai discuté. Mmh. Ils ont vraiment fait les choses en grand. Il faut dire que les organisateurs sont avant tout des passionnés de la saga, donc ils ont fait ça proprement, on va dire, et très professionnellement. Alors bien entendu, on a eu droit à la projection des 3 films. Une projection particulière, parce qu'il y avait des effets spéciaux à l'intérieur même de la salle pendant les films. Alors on peut dire que c'était presque de la 4D, tu sais. Ouais, on pouvait être bien dedans quoi, en voilà, immersion. Bien dedans. Alors je vous donne un petit exemple, par exemple dans le 2, quand la voiture elle part donc, à 88 miles à l'heure. Voilà, il y avait des flammes qui apparaissaient sur la scène, de véritables flammes. Mais c'est des vraies hein. flammes, ils ont mis de l'essence et tout. Ah oui, des vraies flammes. Alors je sais pas comment ils sont débrouillés, mais alors ça fait un bruit et on voit les flammes qui. Mais après elles se sont éteintes ou il y a quelqu'un avec un extincteur? Oui, au bout d'un moment, non, ça s'est apaisé. Donc d'accord. Je pense un effet, tu sais, qu'on utilise. Pyrotechnique qu'on utilise pendant les concerts. Ouais. Donc quand il y avait les éclairs, il y avait les éclairs aussi dans la salle. Pendant le bal, il y avait un effet de lumière dans toute dans la féerie dansante des sardines. Voilà, par exemple. Donc ça, c'était plutôt génial. Vraiment du film interactif. Il y a eu des bonus. Alors, entre les films, il y avait des séquences graphiques et avec les voix françaises donc, qui ont été tournées spécialement pour le Grand Rex. Donc, des mini-scènes interactives, dont une qui était particulièrement géniale avant que le deuxième film attaque. Donc, c'est Marty et le Doc qui ne peuvent pas repartir puisque la machine est en panne. Et donc, pour donner du jus à la voiture, entre guillemets, il fallait que le public gueule. Ouais. Et donc, ça faisait monter la jauge. D'accord, donc, sympa. Ouais. C'était plutôt sympa. Ça, c'était pour la partie film. Il y a eu, bien entendu, l'intervention des différents comédiens. Alors, en maître de cérémonie... De doublage, précisons. Comédien. Parce qu'il n'y avait pas Michael J. Fox et compagnie. Non, du tout. Je précise, pour qu'il n'y ait pas le doute. De doublage, donc pour éviter le doute, les comédiens qui ont prêté leur voix à la version française. Oui. Et quelle version française, on peut dire qu'elle est assez exceptionnelle. Mmh. Et on est dans le rare cas de figure, comme on l'a souvent dit, où la version française est aussi géniale, on peut le dire, que la version voire même mieux, originale. Parce que le fameux nom de Zeus, c'est que dans la VF. Hein. Voilà, en VO, il n'y a pas ça. Exactement. Entre autres choses. Donc, on a eu en maître de cérémonie Luc Hamet, qui lui était présent tout au long de la soirée. Mmh. Il a même fait une petite incursion, j'y arrive. Ouais. Pendant un des entractes, il y avait trois entractes entre les films, dans le hall avec la voiture où les fans ont pu le rencontrer. La vraie DeLorean. Alors, la vraie DeLorean, j'en parlerai après. Vraiment sympa, Luc Hamet. Il s'est prêté au jeu avec les fans, etc. Il a pris le temps de discuter, faire quelques photos, etc. C'est pas tous les artistes qui font ça, donc c'est plutôt génial. Alors, effectivement, tu fais bien de le souligner, on a eu l'une des vraies voitures des films. Parce qu'on s'est tous dit, ouais, super, il y a une DeLorean, mais bon, ça va être quoi C'est une DeLorean quelconque. Hein, voilà, qu'ils ont customisé, etc. Que nenni. Figurez-vous qu'ils nous ont fait venir une voiture directement des States, des Universal Studios, exactement. Uh-huh. Il y avait d'ailleurs une personne des studios Universal. Pour la surveiller. Donc, pour la surveiller, puis pour aussi répondre aux questions, et puis s'occuper de la voiture. Donc j'ai discuté un petit peu avec ce monsieur. Pour le polish, c'est deux couches, une, ça suffit pas. Et donc il m'expliquait que c'était une voiture authentique. Donc il y en a eu plusieurs, hein, quand on fait un film. Il y a plusieurs modèles. Pour faire plusieurs séquences en même pour temps. Pour les cascades et tout. Il ne faut pas oublier qu'ils ont tourné le 2 et le 3 en même temps. Il y avait différents plans, donc forcément, il fallait plusieurs véhicules. Et là, on a vraiment un des véhicules qui a servi au film. Alors, il y a tout dedans, évidemment. Il y a le compteur, le convecteur spatio-temporel, etc. Il y a vraiment tout. C'est génial. Alors, ça ne s'arrête pas là. Non seulement on a eu la vraie voiture, mais en plus, on a eu les vrais costumes et les vrais objets du film, pareil, qui sont venus l'almanach directement. L'almanach des sports, ce genre de choses. Le vrai almanach des sports l'overboard. Utilisé dans l'overboard. Il y avait même le moule à tarte que lance Marty, là. Le frisbee dans le 3, là. Dans le 3. Frisbee, ça m'éclate. La fameuse photo qui apparaît, qui disparaît. Que vous pouvez avoir dans le bouquin qui vient de sortir aussi, d'ailleurs. Tu en parlais dans le bonus DVD, oui, mais il est aussi dans le bouquin qui sort chez Mugin & Mugin. Complètement, on va en parler du bouquin. Il y avait les costumes de Marty. Il y avait certaines pièces même dédicacées par Christopher Lloyd, donc l'acteur américain qui joue le rôle du Doc. Alors vraiment, là, c'était vraiment énorme, quoi, parce qu'on avait c'était pas des reconstitutions, on avait les vrais costumes, les vrais objets. Il y avait même la cassette Van Allen qu'il utilise avec le Walkman dans le premier épisode. Ouais. Bien évidemment, le costume, la vraie casquette, enfin, etc., etc. C'était vraiment génial. Ça, c'était pour la partie expo. Alors, au niveau merchandising, comme toujours, que ce soit un concert, un événement, il y a toujours un stand merchandising assez fourni qui a été dévalisé. Qu'on a pu acheter en exclusivité ? C'est des trucs qui étaient en vente que là ? Alors, il y a des trucs qui étaient en vente que là, qui ont été épuisés dès le premier jour, comme ça a été réglé pour la semaine. Il y a eu le fameux... Comment ça, dès le premier jour ? C'était qu'un seul jour, ça ? Alors, il y a des objets qui étaient valables un seul jour, qui étaient exclusifs au 21. Uh-huh. Et il y a des objets qui étaient censés être disponibles les jours suivants, parce qu'il y a eu d'autres projections au Grand Rex. D'accord. Donc, voilà. Il y a eu plusieurs projets. D'accord. Tu avais le jour J et tu avais après. Oui, mais enfin, l'intérêt, c'était d'y aller le jour J. D'autant plus qu'après cette fameuse soirée qui, quand même, s'est terminée à 3h15 du matin, il y avait une seconde partie, on va dire, de fin de soirée, début de journée, entre guillemets, au club du Grand Rex qui est juste à côté. Vous sortez, vous allez au club. Ah, il y a un club du Grand Rex ? Oui, il y a un club. Je savais pas, j'ai jamais foutu les pieds là-bas. C'est une sorte de boîte, mais avec un concept absolument génial. Mmh. Et donc, ils faisaient une soirée spéciale. Retour vers le futur. Donc, ils font plein d'after, quoi. C'était un after, retour vers le futur, qui était absolument génial, parce que c'est une boîte où, en fait, vous êtes entouré par des écrans vidéo avec des effets. Vous avez l'impression, par moment, d'être dans un film. Et donc, il y avait des projections, des images de retour vers le futur, etc. Mm-hmm. Bon, certains moments, de la musique un peu techno, donc pas forcément génial. Mais le concept, rien que pour le concept, ça valait le coup. Donc, je reviens au merchandising. Oui, revenons. Donc, en exclusivité, il y avait le t-shirt pour le 21. Un t-shirt qui est très beau, qui reprend l'affiche. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors, c'est loin d'être laid. Hein. Ça a été une... C'est une super caricature. Il y a deux Marty avec le Grand Rex et la voiture. D'accord. Et marqué 21, etc., avec le compteur. Donc, ça, c'est plutôt génial. C'était combien, cette plaisanterie, du coup ? C'était 25 euros. C'est pas énorme. C'est pas trop pire. C'est oui. pas trop pire, comme tu dis, sachant que dans certains concerts, comme Monsieur Ali, boop, pour pas le nommer, les t-shirts sont à 30 euros, par exemple. Ouais, ouais. Ah non, on était dans les prix relativement, on va dire, corrects. Il y avait le comics. Alors, le comics, je vais en parler après, parce qu'il y a un comics Retour vers le futur pour fêter l'anniversaire, qui était disponible uniquement ce jour-là, avec une couverture exclusive pour la France. On était les seuls à avoir cette couverture. Donc, autant dire que sur eBay, elle va... Donc ça va vite côté, c'est vite parti ça aussi, il n'y en a pas eu pour tout le monde malheureusement. Et donc il y avait la fameuse casquette. Oui, que vous pouvez aussi vous procurer à FK Shopping sur Clermont. Alors, je parlerai de la casquette après parce que j'ai fait une petite investigation et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'arnaques. À propos des vraies, des fausses, des vraies, des fausses sur, genre, je vous expliquais un petit peu après. Et la fameuse affiche, et puis voilà, on va dire pour les goodies intéressants. D'accord. Et donc, les gens avaient peur de ne pas pouvoir avoir, je ne sais pas, leurs petits goodies favoris. Donc, finalement, ils sont tous précipités avant le premier film, ce qui fait que ça fait des queues interminables. Et du coup, tout a été rapidement épuisé, on va dire, en milieu de soirée. D'accord. Donc, ça, c'était pour la partie merchandising. Ah oui, et puis pour agrémenter les films, entre chaque partie de film, on a eu droit à des mini-concerts. Alors, avant le premier... De la musique ? De Power of Love, de Huey Lewis. Oui, alors je vais en parler. Donc on a eu droit à un mini concert symphonique avant le premier opus. Mm-hmm. Alors, c'était absolument génial. Alors, certaines musiques sélectionnées, parce qu'ils vont pas nous faire toute la BO des trois, bien sûr. C'est un peu long. Uniquement avec un concert symphonique, avec un orchestre philharmonique, pardon, je vais y arriver. C'était d'une toute beauté, c'est absolument génial. Donc ça, c'était super. Pour le deuxième entracte, on a eu, j'ai oublié son nom, il me pardonnera, mais un petit groupe avec un petit gars bien sympa qui reprend Power of Love, Back in Time, donc mm-hmm. le deuxième générique, et aussi bien sûr la fameuse reprise de Chuck Berry que Marty exécute dans le premier opus, qui est culte. Johnny B. Goode. Voilà, Johnny B. Goode, un bon vieux rock bien rétro, rappelez-vous. D'ailleurs, j'en profite pour vous glisser une petite anecdote. Il y a une version française de Johnny B. Goode faite par Eddie Mitchell au temps jadis de Naguère qui s'appelait Eddie Sois Bon. Voilà. Eddie Sois Bon, Sois Bon. Eddie Sois Bon, Sois Bon. Eddie Sois Bon. Voilà. Johnny B. Goode. Donc ça existe en version française. Ah bah oui, c'est clair. Ah bah c'est carrément clair. Mais moi je savais pas en fait, c'est parce que c'est Bernard Minet qui me disait Eddie Sois Bon en faisant référence à ça et que je connaissais pas du tout la chanson du coup. Donc voilà, maintenant que je la connais, je vous en fais part. C'était voilà. La petite anecdote. La petite anecdote qui va bien. Alors que je n'oublie rien quand même. Oui, il y avait aussi la possibilité, ça c'était au dernier étage avec le merchandising, parce qu'ils avaient fait des étages Rex. À thème. C'était, oui, il y a deux. Bon, si on compte le rez-de-chaussée, ça fait un, deux, trois niveaux. D'accord. Deux étages. Et le cinéma, il est à quel niveau ? Il est au premier niveau. D'accord. Donc, pour faire un petit peu la visite, le rez-de-chaussée, bon, entrée normale, la voiture dans le hall, comme ça tout le monde peut bien en profiter, avec le monsieur des studios Universal. Ouais. Il y avait un t-shirt Universal. Oui, exactement. Exactement. D'ailleurs, okay. Et qui ne parlait que... Que anglais. English. Ah ouais, faut pas déconner non plus. Don't touch your car. Au premier, niveau, au premier étage, vous aviez l'expo. Et au deuxième étage, donc le merchandising, plus une petite attraction. Pour certains, c'est un petit cadeau sympa. Donc, vous pouviez vous faire prendre en photo. Donc, il y avait un fond vert. Et en fait, ça fait une sorte de trucage. C'est fait. Donc, il y a un photographe professionnel. Il vous sort par informatique la photo. Tu l'as fait ? Oui, je l'ai fait. Ah, pour je veux déconner. Voir ça. Vous êtes avec intégré dans la fameuse photo du 3 où il y a la grosse pendule avec Marty d'un côté et le doc de l'autre. C'est bon, ça. Voilà, c'était rigolo. Ça valait 10 euros. Bon, c'est... C'est quand même... c'est quand même un petit budget. Faut mais bon, payer, c'était, c'était sympa. La photo est très réussie. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà au niveau de, donc des goodies et des choses plutôt sympas. Donc, il y a eu les comédiens de doublage. Hein, donc, on a eu droit à Luc Hamet, qui fait Marty, hein, la fameuse voix culte de Marty. Oui, Roger Rabbit aussi. Entre autres, qui faisait l'émission aussi Anna Barbara. Anna Barbara Ding Dong, voilà. Voilà, un mec très sympa. Alors, sachez pour l'information qu'il ne fait plus de doublage depuis pas mal de temps, mais qui fait une exception pour Michael J. Fox, si d'aventure il tourne. Exactement, donc ça nous l'a dit, parce qu'il est très attaché à cet acteur, entre guillemets, qu'il a l'impression de bien connaître sans jamais l'avoir rencontré. Ah oui, faut organiser ça. Truc. On avait donc Céline Montsara, Bulma ou Madame Lidl, comme vous voulez. Oui. Qui était égale à elle-même hein, ce soir-là, j'en dirai pas plus. Voilà. C'était elle, il n'y a pas de doute, c'était pas c'était un clone. Oui, c'était elle. Donc, on a eu. Ah, j'oublie son nom, j'ai son nom. Pierre Attey. Pierre Attey, qui est aussi la voix du Joker dans les séries de Batman de 92 et 2004. Qui est en petite forme en ce moment, qui est très très fatigué parce qu'il a des problèmes de santé. Enfin, ouais. Il a quand même fait l'effort de venir. Alors, il n'est pas venu tous les soirs, apparemment, il est venu presque tous les soirs, par exemple. Ah, ben je croyais que moi, il venait que le jour J, ces comédiens. Non, ils sont venus les autres. Aussi les autres jours, d'accord. À part un soir, je crois que c'est vendredi, je ne vais pas dire de bêtises, où il n'est pas venu. Et donc, il y avait. J'ai oublié aussi son nom, il m'excusera. Le comédien Richard Darbois. Exactement. Alors, comment tu peux oublier Richard Darbois? C'est quand même la voix d'Harrison Ford, quoi, je veux dire, et de plein d'autres. Exactement. Et entre autres. Et de Biff, là, en l'occurrence. De Biff, le Hello, hello, il y a quelqu'un au bout du fil. Le méchant McFly. De Back to the Future. Un mec vraiment très sympa aussi. Hein, quand il est sorti, bon, des gens l'ont rencontré, puis il discute, il prend le temps, enfin, etc. Alors, je ne compte plus le nombre de Marty en cosplay et de Doc qu'on a pu voir. Certains étaient moyens, certains étaient très réussis, par contre. On a vu un Doc où il y avait tout, hein, exactement, avec sa tenue jaune, là, quand il revient du futur, les lunettes, enfin, le mec avait tout fait, c'était absolument énorme. C'était vraiment un gros événement. Si vous êtes fan de la série, c'était The Place to Be. Voilà, il fallait pas rater ça parce que bien évidemment, comme ils nous ont martelé toute la soirée, un 21 octobre 2015, il n'y en a qu'un et il n'y en aura qu'un. Bah oui, forcément. Oui. Voilà, donc c'était vraiment un événement. J'espère que tous les fans qui apprécient la série ont pu y aller. Alors, Retour vers le futur, évidemment, c'est l'anniversaire, c'est le 30e, comme on l'a dit, donc forcément, ça génère pas mal de choses. Hein. Chacun en profite un petit peu. Ah bah c'est le moment ou jamais de sortir quelque chose. Hein, parce que comme les réalisateurs ont refusé de faire un 4 ou un reboot ou quoi que ce soit du alors genre... Alors ça, c'est important. Voilà, on nous l'a dit pendant la soirée, mais ils l'avaient dit aussi en interview. C'est clair, ils ont dit de leur vivant, il n'y aura jamais ni de suite, ni de remake, ni de reboot, ni de tout ce que vous voulez. Donc j'espère que ça ne donnera pas envie à personne de les massacrer au coin d'une rue. Hein, parce que donc, ça serait quand même un petit ça peu y aura excessif. Pas, ils ont dit que même leurs descendants... veilleraient au grain pour que ça n'arrive pas. Donc vous êtes coincés. Vous n'êtes pas prêts de voir une suite, mais à mon avis, ça serait pas raisonnable de faire une suite, ça gâcherait cette série qui est vraiment bien faite. Déjà qu'il y a eu déjà le gâchage avec le honteux dessin animé. Voilà, enfin bon, ça. C'est parce que c'est vraiment une grosse bouse intersidérale, je tiens à vous prévenir, donc voilà. Voilà. Et donc, il y a un comics qui est sorti chez IDW, donc on connaît, c'est eux qui sortent beaucoup de choses dans le Ghostbusters, hein, c'est eux qui avaient sorti le comics Ghostbusters. Oui, oui, ils font ça absolument. Qui était très bien fait à l'époque, je sais pas ce que tu en penses, je l'ai trouvé plutôt pas mal, moi. Bah écoute, j'aime bien la couverture, par contre l'intérieur est loin d'être du niveau de la couverture, et donc du coup ça m'a assez rebuté. Alors donc voilà. C'est les spécialistes du comics de ce style, donc ils nous ont sorti évidemment le comics Back to the Future, alors gros événement, grosse demande, grosse attente. En VO donc. Ah oui, uniquement en anglais. Il y avait eu beaucoup de précommandes, donc il restait quelques exemplaires à la sortie, il est épuisé déjà. Notamment avec la couverture originale qui est très réussie, hein, c'est une superbe caricature des personnages, tu as dû voir je pense la couverture. Oui, j'ai vu la couverture, tout à fait. Alors c'est un truc assez zarbi parce qu'il y a une vingtaine de pochettes différentes pour ce comics. Alors ça dépend des pays, hormis celle spéciale France, il y en a une spéciale Angleterre. Cela dit, c'est pas le record parce qu'il va y avoir un Dark Knight 3 qui aura 40 couvertures différentes. Mais il y aura des cons qui achèteront 40 fois le bouquin. Donc on ne trouve plus malheureusement la couverture principale, celle qui est collector, ce qu'on appelle le first print, la première édition. Mmh. Mais vous pouvez encore sur eBay, alors attention au prix parce que ça grimpe très vite, trouver d'autres éditions avec d'autres couvertures qui sont plutôt sympas. L'intérêt de ce comics, c'est qu'il y aura 4 volumes. C'est que dans le premier, en fait, on découvre comment le Doc a rencontré Marty et vice-versa. Ouais, c'est vraiment de l'inédit. Ça, c'est bien. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que c'est Bob Gale qui a supervisé. Bob Gale, je vous rappelle, c'est l'un des scénaristes de la série, hein, qui a créé avec Zemeckis Back to the Future. Et donc, il a supervisé et qui a coécrit le scénario. Donc, c'est pas de la merde, vous voyez le truc. Hein. Donc, si vous avez la chance de tomber sur le comics, sachant qu'il va valoir très cher dans quelques temps, hop, vous l'attrapez. In the pocket. Voilà, c'est ça. Alors, ne le payez pas quand même 75, 80, voire 100 euros. Non, comme c'est complètement... C'est du grand n'importe quoi. J'en parlerai tout à l'heure des prix et des objets collecteurs. Ça, on n'a pas fini de gueuler là-dessus. Oui, et puis ça devient encore pire de ce qu'on vous disait la dernière fois. Donc, 20 euros maximum. Ouais. Bon. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. 20 euros, oui, parce qu'il y a quand même une certaine cote. Et puis déjà, rien qu'avec l'importation par rapport aux États-Unis, ça vaut déjà de plus de 10 euros. Donc, vous prenez le port, un petit truc. Voilà, pas plus de 20 euros. Au-delà de 20 euros, vous n'achetez pas. Voilà. On vous l'a dit, hein. Attention, on surveille. Hein. Voilà, sachant que tous les bonnets qui le vendent 75, 80, s'ils ne trouvent pas preneur, ils seront bien obligés de le baisser. Oui, ou le garder. Alors, il y a un livre qui est sorti un petit peu partout en France avec une version française. Un livre spécial Retour vers le futur. C'est un beau bouquin, donc tu l'as parcouru. Oui, tout à fait. C'est donc aux éditions Ciné-Télé. Hein, attends, mais où est passé le téléphone? Je l'entends sonner, mais je ne sais pas où il est. Nous sommes à la recherche du téléphone pour notre invité. Ah bah ça, c'est malin. Ils m'ont caché le téléphone, il n'est pas à sa place et je ne vois pas où il est. Il sonne, mais je ne sais donc pas où il est. Donc, je continue à parler du bouquin. En fait, il retrace toute la saga, tout ce qui existe, les goodies. Il y a des informations sur la genèse, la création de la série, les acteurs. Enfin bref, c'est une vraie bible Retour vers le futur. C'est dispo chez Ciné-Télé. Ciné-Télé, hein, qui nous ont habitués à de superbes donc, ouvrages tirés de films. D'ailleurs, ils vont nous sortir un Ghostbusters le 6 novembre. Donc, si vous êtes fan de Ghostbusters, il faut vraiment l'acheter. Et dans ce bouquin, il y a tout un tas de choses dans ce qu'on appelle des facsimilés, la reproduction de certains objets cultes du film. Donc, vous avez par exemple la lettre du doc, la lettre de Marty, pardon, qu'il fait au doc pour lui dire que dans le futur, il va avoir un souci, etc. La fameuse photo qui se modifie. Oh ah, c'est bon, ça marche. En fonction allô, du allô temps. Allô. Tu m'entends? Voilà. Oui, notre invité si est en ligne. Vous aviez terminé avec les produits dérivés, mais je me disais tant qu'on y est au foutage de gueule, je serais bien d'y rajouter ma contribution. Donc on va laisser la parole. Bonjour à notre invité oui, au Flo. Téléphone. À Flo. Bonjour Flo. Salut. Parce qu'en fait, il y a un nouveau concept. Figure-toi que le téléphone n'est plus là, mais que ça marche directement sur le truc. C'est formidable ça. La c'est génial. Seulement, il faudrait peut-être me prévenir quand même avant. Enfin, tout va bien, ça pourrait être sympa Flo, que je cherche pas en vain. Enfin bref, ça marche, c'est essentiel. Bon, tu nous entends bien? Oui, enfin c'est un peu faible quand même. Ah bah ça par contre ça n'a pas changé, ça marche toujours ça, pas. Ça n'a pas bon, changé malheureusement. Ah, dommage. Non, bon. Alors vas-y, dis-nous tout, tu voulais nous parler du Comic-Con qui a eu lieu ce week-end. Ce week-end, oui. Alors parce que en fait, je veux dire, tout le monde doit connaître le concept du Comic-Con, c'est quand même la convention comics, qui est très ancienne aux États-Unis, comme le nom l'indique, c'était sur les comics, voilà, en particulier. Et non pas sur les cons, hein, parce que c'est Comic-Con. Voilà. Le terme n'est pas faible pour la française, mais je vais vous expliquer. et puis, au fur et à mesure des années, évidemment, c'est devenu un peu plus commercial, ça part de pop culture, mais bon, c'est vu de la vieille qui s'en plaigne sur tout ça, je pense. Au début, c'était couplé à Japan Expo, c'était au même endroit en même temps. Hein, c'était le Alors, truc, là, hein. Je parle de l'américaine, hein. Oui, j'entends bien, mais je te parle en France, oui, t'es comme ça avant. Voilà. Et puis en France, oui, nous, on avait surtout des trucs sur le thème japonais, donc depuis que les conventions existent, mais voilà, il y avait une section qui d'abord appelait Cultima en 2006. Oui. C'est, ouais, c'est pour les jeux de rôle, c'est pour le steampunk, c'est pour enfin tout ce qui n'était pas japonais. Puis à la longue, ils ont appelé ça Comic-Con parce que ça ressemblait beaucoup. Et puis, il y a 2 ans, on apprend qu'il n'y aura plus cette section à Japan Expo parce que, alléluia, pense-t-on, il va y avoir une version française de la fameuse Comic-Con de San Diego qui existe depuis 40 ans et qui avait essaimé, qui a fait des petits aussi à New York, à Londres. Et à chaque fois qu'on regarde Londres, New York ou San Diego, à chaque fois, c'est une tuerie. C'est un truc immense. Et puis, il y a des annonces souvent qui tombent à San Diego. On voit les premiers trailers exclusifs, etc. Enfin, toutes les annonces se font. Et même si on n'avait pas eu ça, on s'attendait à retrouver à peu près les mêmes trucs. Qu'il y avait la section de Japan Expo, mais en plus grand, quoi. Voilà, ça puis me semblait, voilà, logique. En général, au Comic-Con, il y a des gros invités, des événements, comme tu le dis. Par exemple, donc, puisqu'on parlait de Retour vers le futur, le Comic-Con donc, qui a eu lieu à Londres en juillet, il y avait les acteurs du film. Donc, il y avait Michael J. Fox et Christopher Lloyd, par exemple. Donc, il y avait du lourd, quand même. Bah, comment dire ? Je m'attendais à ça, moi. Enfin, je veux dire, et je pense que tout le monde aussi s'attendait à ça. Naïvement, peut-être, je m'attendais à ça. Je m'attendais à ce que ça cause aussi de Star Wars 7, enfin vous voyez, ce genre de choses. Complètement. Et puis on a annoncé l'espace de la Villette. Moi j'avais jamais mis les pieds avant, mais sinon je me serais peut-être méfié. C'est beaucoup moins grand quand même le Villepinte. Ah, oui. C'est là qu'il y avait Japan Expo avant Villepinte. Oui. Autant jadis de la guerre. Bon là je m'étais pas méfié, j'ai dit oui bon Villepinte. Pardon, la Villette, admettons. Et puis surtout, c'était une première fois. C'est un peu malheureusement, c'est la loterie. Les premières fois, on peut pas savoir. Oui. Il n'y a pas de communication, le site, il n'y a pas de photos, il n'y a pas d'annonce, pas de plan. On s'était dit, bon, on va voir. On a vu. C'est-à-dire que vraiment, j'ai compté beaucoup là-dessus, mais quand je suis arrivée, après une heure d'attente, en tout cas le vendredi, pour une heure de queue, j'ai senti qu'il y a un truc qui n'allait pas, dans la mesure où il y a 3 étages à la Villette, il y en avait un seul d'utilisé. Ah. Donc tout le monde l'a dit quasiment, les réseaux sociaux c'est la volée de bois vert qui se prennent pour la plupart, là c'est juste incroyable, ils ont tous dit, on faisait le tour en 1 heure. Ouais, c'est ce que j'ai lu aussi, quand il y avait du monde. Ouais, et puis il y avait quand même beaucoup de monde, mais ils ont tous dit que voilà, en 1 heure c'était fait. sur 3 jours, je vous rappelle. Oui. Y a peu d'invités, surtout qu'il y en a une qui s'est désistée au dernier moment, comme on le sait, là. Une actrice de Game of Thrones. Non. Pas que, apparemment, il y a aussi un gros auteur de comics qui s'est désisté aussi au dernier moment. Oui, Brandis, il s'appelle. Ouais, Brandis. Comme ça. Donc, ouais, ça commençait à faire beaucoup. Bon, moi, je viens pas pour les invités, je le dis, hein. Mais du coup, c'était un peu gênant parce que je m'étais dit, bon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a au moins 4 boutiques qui vendaient des figurines pop. Vous savez, les figurines très à la mode. Il y en a partout. Voilà, au moins 4 boutiques, sans rire, on les a comptées. Oh oui, 4 les mêmes, c'est bon, c'est pas grand. Il y avait les mêmes stands de fruits déshydratés. Ah, attends. Ouais. Alors bon, il y avait les mêmes magasins de fruits déshydratés et exactement aussi le même magasin de bonbons qu'on trouve à Japan Expo. D'accord. Mais là-bas, ça me choque pas. Je me dis, bon, il y a la place. Hein. Oui, oui. Plus on est fou. Non, là, il y a quand même pu y avoir quelque chose de plus intéressant à la place, je pense. Et puis, qu'y avait-il ben, par exemple, le stand de Melty où on encourage les gens à faire des pastilles vidéo d'une seule minute. Bon, moi, ça me semble pas beaucoup. Je veux dire, essayer de faire tenir toi qui t'y connais dans une minute. Mmh. Bon, un truc un peu à la mode, quoi. Mmh. Le stand de CanalSat, le stand de Microsoft, le stand de... la barque de Wacom, là, voilà, de graphique. Et à la fin, je m'étais dit, ça fait séminaire d'entreprise, limite, quoi. Ouais. Et bien, surtout ça, et puis 3 libraires, mais tout le monde l'a dit, qui vendaient même pas de comics de collection, des vieux comics, ou des trucs sous cellophane, vous savez, caractéristiques. Ouais, même pas un truc à propos pour la convention, je veux dire. Eh ouais. Alors, il y avait absolument rien sur Retour vers le futur, comme j'ai dit. Les gars, la page, quoi. Presque rien sur Star Wars dans la mesure où la 501e là, avait nouveau fait le déplacement. Ils avaient des décors absolument gigantesques. Je veux dire, à la section Japan Expo, il y avait des Wampas, je crois, en grandeur nature. Ouais. Et là, il y avait un pauvre vaisseau spatial qui faisait de 2 mètres sur 2 mètres. Ouais, c'est pas bien grand, ça. Ouais, tu dis ouf. Puis il était question de trucs sur le cinéma. Alors, à part ça, il y avait une reproduction des petits tyrannosaures, là, dinosaures là de Jurassic Park autour d'une boîte là géante et puis c'était tout. Il était question de jeux vidéo, j'ai pas vu un seul stand qui en vendait ou qui en montrait. Bah bravo. Ils vendaient des drones aussi, enfin des, vous savez, des jouets mécaniques, on se demandait où était le rapport. Ouais. Et surtout il y avait des stands de figurines manga. Ah, ah oui. À Comic-Con. Là, c'est bien la peine de séparer hein, dans ces cas-là. Donc là, vraiment, on voyait pas le rapport avec la choucroute. Et donc, au milieu de tout ça, il n'y a pas vraiment d'animation. Vous voyez qu'il comptait vraiment beaucoup, beaucoup sur les invités. Mais bon, tout le monde n'avait pas de ticket pour les voir. Moi, j'en avais pas, d'ailleurs. Parce qu'il fallait prendre... Il fallait payer extrêmement cher pour les voir. D'accord. Il fallait payer aussi pour avoir des dédicaces. Il fallait payer pour avoir des photographies avec eux. Parce que du coup, moi, comme d'habitude, je cherchais l'endroit où on photographiait les cosplayers. Mmh. Il y a toujours un endroit gratuit, vous savez. Mmh. Ben là, c'est soit tu te faisais payer qu'une star et c'était 30 euros. Soit tu allais sur le stand de Microsoft, ils sont obligés à sauter et c'était une photo. Et moi, je veux que vraiment les gens ils gueulent contre ça, quoi. N'acceptez pas ces histoires de faire payer les photos 20-30 euros, c'est un scandale. Si personne le fait, ils arrêteront de le faire. Eh ben justement, j'ai pris mes renseignements. Il paraît qu'aux États-Unis, c'est comme ça que ça se fait à Comic-Con. Oui, non, mais d'accord. Aux États-Unis, c'est comme ça que ça se fait, c'est leur problème. Oui, mais oui. En France, c'est pas comme ça que ça se fait. À Londres justement, aussi, c'est comme ça. Ils sont pas habitués, donc il y a eu un peu choqué, quoi. Ah oui. Et avec tout ça, je m'étais dit bon, ça aide pas. Et comme j'ai dit, c'était un petit endroit qui était occupé de 9h à 18h, mais il y avait peu de choses à faire. Enfin, tout le monde comptait voir le cosplay parce qu'il y avait une seule session, là c'est pas beaucoup. Parce que combien tu payais donc pour rentrer au minimum dans cette convention où il se passe rien? 40 euros pour les 3 jours. Ouais. Et j'ai pas pu assister au cosplay, mais trop de fil. Meuf. Et puis j'ai su donc, que la gagnante était Cendrillon en version live. Donc c'est un costume que moi aussi j'avais fait, que j'aurais présenté si j'avais pu me présenter au cosplay, parce que là encore les inscriptions étaient blindées. Mais... Donc tu dis oups. Et pour finir, bah, c'est-à-dire c'était le seul en plus, je dirais, événement entre guillemets, parce qu'il y avait, bon, je crois qu'il y a des projections, mais je connaissais tous les trucs, et puis il n'y avait pas de jeu, il n'y avait pas de trucs comme... Mais la seule exclusivité qu'il y a eu, c'est le premier épisode de Jessica Jones, la nouvelle série de Netflix. Bon, ça aussi, j'avais pas grand-chose à carrer, bon, au final... On est parti faire du tourisme le troisième jour, quoi. Beaucoup de gens ont dit qu'ils l'ont fait, qu'ils vendaient leurs tickets ou qu'ils jetaient. Ouais. Ils étaient dans un magasin, on peut dire ça. bon, il y a des tas de choses qui étaient à l'ancien, on va dire, l'ancienne version qui était à Japan Expo. Mm-hmm. On n'a pas retrouvé, c'est-à-dire que il y avait un petit stand qui vendait des dés, mais des dés. La misère. Comment? Des dés. Voilà. Et c'est un peu la misère quand tu te souviens qu'avant il y avait des stands d'armes de GN ou des stands de pour jouer à des jeux de rôle, enfin ouais, ce genre de truc. Ouais. Il y avait juste un stand de dés. À côté d'un stand de katana. Alors là, c'était d'autant plus comique. Bon, déjà, les katanas, c'est pas spécialement comique, déjà, bien sûr. Oh, mais ça peut éventuellement. Mais qu'il y avait plein de pirates aggravés qui faisaient qu'ils surveillaient de très près tout ce qui était fausse arme. Ouais. Si tu avais une fausse arme quelconque, une fois qu'ils vérifiaient que c'était pas une vraie, ils te mettaient une petite bague en plastique rouge dessus qui dépassait vachement, quand même, qui était très gênante et pas belle du tout. Mais à part ça, ils vendaient des katanas à l'intérieur. D'accord. En métal. Hein. Ouais, des vrais, quoi, qui vont mal. Voilà. Donc là, j'étais OK. Bon, je suis pas la seule à penser ça, parce que là, du coup, j'ai regardé la page des avis. Il y a le plus grand nombre de personnes, donc 134 sur 254 avis, qui ont laissé une étoile. Ouais. C'est-à-dire médiocre, pour le c'est moment. C'est ça. Seulement, l'autre problème, c'est que je lisais un article qui était consacré au désistement donc, de Maisie Williams, alias Arya Stark, qui était vraiment partie le matin, une demi-heure avant d'arriver, quoi. Ah non, non, je veux pas, voilà. Et qui, d'après l'auteur de l'article, c'était un des rares quoi que tu parles, parce que sinon, c'était un succès, ils envisageaient de refaire pareil l'an prochain, mais sur 4 jours. Ouais, bah tiens. J'étais là, attends, 4 jours dans un endroit aussi vide, mais qu'est-ce que tu veux y faire? Ouais, déjà que 3, c'est trop, alors... Ouais, là, j'avoue, je me suis dit, si, ils font que ça 4 jours, mais qu'ils ne changent rien d'autre, mais... on va droit à la catastrophe, quoi. Je veux dire, là, bien sûr, c'est un succès parce que les gens pensaient que ce serait une Comic-Con comme il y en a d'habitude. Voilà. Mais maintenant qu'ils savent que c'est pas le cas. Je suis pas la seule. J'ai fait comme beaucoup de monde. J'ai acheté, j'ai fermé, quoi. Voilà, c'est ça. Je me suis pas rendu compte. Mais là, on sait, quoi. Donc, s'ils pensent couillonner les gens deux fois, bon. La même technique marche pas deux fois. Bien sûr. Le seul point positif, c'est que, évidemment, il y avait aussi beaucoup de Marty sur place. Bon, y compris moi, j'ai fait une version fille. De des jours et je pense que j'en verrai jamais autant, évidemment. J'ai pris beaucoup de photos. Il y en avait au moins il y avait au moins 4 d'ailleurs de Marty. Enfin bon, et quand on est sorti le dernier jour avec le moral dans les chaussettes, eh ben, on a vu une DeLorean qui était garée devant avec un type déguisé en doc avec la version 2015 en plus. Alors les gens déjà ils aimaient bien poser avec, mais moi je suis arrivé en courant, j'ai fait je vous ai cherché partout en plaisantant, et puis du coup j'ai pu prendre des photos. C'est que je viens d'arriver du futur. Voilà. Ou du passé. J'ai pu prendre des photos dans sa voiture. Il y avait une blague très commune, chaque fois que des Martis se croisaient, on se disait, alors vous aussi vous avez pas pu repartir? Ah bah non, on a plus de plutonium, ça fait 2 jours qu'on est coincé. Ouais, bah ouais. C'était marrant. J'ai trouvé même une Jennifer. Ah bah c'est original. C'est assez rare, ouais, parce qu'en fait on a du mal à la reconnaître. Oui, à bah moi, oui. Si tu étais toute seule, côté, voilà. Donc en l'occurrence, elle avait son copain à côté qui était en Marty. Moi, je l'ai pas là, fait. Donc là, ça passait, que, là. Voilà, donc je t'ai dit, je vais plutôt faire un truc qui ressemble. Mais malheureusement, je crois, je reverrai plus jamais autant. Et c'était le seul point positif. Voilà. Donc, je me dis, ben, tout ça pour ça, quoi. En plus, j'ai payé très cher. J'attendais ça depuis un an. C'est... Non, donc, là, je veux dire, là, la Comic-Con qu'on connaissait, qu'on aimait bien, qui était la section donc, de Japan Expo, qui était vraiment pas mal. Je crois qu'on peut s'asseoir dessus, quoi, c'est mort. Parce que si le remplacement c'est ça, je suis désolé, c'est pas à la hauteur, il manque les trois quarts des choses. De toute façon, moi je pense qu'un Comic-Con tout seul, il peut pas gérer. Ça pouvait marcher que couplé à Japan Expo, parce que comme ça, ça profite des deux publics, puisque tu payes pour les deux en même temps. Un Comic-Con tout seul, ça marche pas, c'est tout, hein. Donc il faut pas s'obstiner, quoi. Voilà ce que je pense. Comme on dit, l'erreur est humaine, mais persévérer est diabolique. Je vois bien persévérer. Voilà, c'est ça. Voilà. Et avec tout ça, je dirais par contre, dès qu'ils commencent à recevoir, on va dire, le fruit de leur foutage de gueule, c'est le film de Jem, parce que j'ai appris qu'il se serait vautré son premier week-end aux États-Unis. Ah, mais parce que c'est déjà sorti ce truc-là? Alors, aux États-Unis, et c'était leur premier week-end, qui est très important, comme on le sait, oui. Ils sont 15e. Ouais, donc c'est un bide, quoi. Comment? C'est un bide. Voilà, on peut dire ça. Alors moi, jusqu'à présent, je me posais la question, je me disais, bon, clairement, ils se foutent des fans de la première heure, oh, oui. De la vieille. Genre moi, qui appelais mon ordinateur Synergie, pour sans raison. Mais je me disais, apparemment, ils visent les petits jeunes qui étaient fans de Hannah Montana et tout. Mm-hmm. Si ça se trouve, ça va leur plaire. Donc j'avais peur de ça. Moi, je me disais peut-être que ça va plaire à un public qui ne connaît pas Jem. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Non, avec le pitch que ça a de base, en même temps, qu'est-ce que tu veux faire avec Jem? Tu peux pas faire grand-chose en même temps. Hein. Ils auraient pu faire une adaptation sympa, ben, fidèle. Ce que je veux dire, c'est que ils auraient dû se la jouer premier degré, faire vraiment comme dans le dessin animé. Bon, le grand public n'aurait pas aimé, je suis d'accord, mais les fans seraient allés voir, ça c'est sûr. Ouais. Maintenant, ils font un truc qui ne peut plaire à personne, je dirais. C'est ils nous ont servi Anna Montana, qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse, nous, les fans? Bah oui, c'est clair. On l'a déjà, Anna Montana, hein, on ne voulait pas voir ça. Parce que je veux dire, ceux qui n'ont pas vu, enfin, je sais pas, peut-être que tout le monde connaît ou connaît pas le concept de Jem, là, mais bon, en gros, c'est comme une Magical Girl, elle se transforme en chanteuse avec des hologrammes, c'est pas rien. Bah, dans le film, juste, elle met une perruque. Ouais, bah, ah oui. On la reconnaît. Et donc, Synergie, c'est plus l'intelligence artificielle de son ordinateur qui ressemble à une vraie femme, c'est un petit robot. Ah oui, d'accord. Ils projettent des vieux films familiaux au lieu d'hologrammes. D'accord. Bon, puis je veux dire, c'est le seul rapport, quoi, je dirais, qu'il y a. Parce qu'ils ont transposé ça dans l'époque moderne aussi, au lieu de garder ça dans les années 80, donc... Ouais. Ça perd énormément son charme, quoi, voilà. Donc je m'étais dit, bah, si ce vôtre, je dirais, bah, ça leur apprendra, hein. Ça sert à rien de donner un titre d'une chose, d'un dessin animé connu à un film si le film n'y ressemble en rien du tout. Oui, mais c'est la mode apparemment maintenant. Hein. Comment? C'est la mode de faire ça. On prend un concept qui va plaire et puis on le trahit, quoi. Donc, On dit ce qu'on voudrait de Transformers, mais ça parlait toujours de robots géants, quoi. Il y avait un rapport avec la choucroute. Oui, même là, lointain. Lointain, mais là, c'est même pas, il n'y en a même pas, quoi. J'étais, mais c'est quoi, appeler ça Anna Montana, ça ira plus vite, hein. Oui, c'est plus simple. Allô? Oui, oui, on t'entend. Ah, pardon, oui. Alors sinon, on vient de me glisser dans l'oreillette qu'il faut que je parle de Rick and Morty. Je sais pas si vous dit quelque chose. Ah, du tout. Bon, bah, c'est une parodie, on va dire, récente, du principe de retour vers le futur, mais en animation. Animation un peu adulte, genre Beavis et Butt-Head. Moi, j'ai pas vu, mais tout ce que j'en sais, c'est que donc Rick, c'est une parodie du Doc, et Morty, donc, de Marty, mais qu'il a son petit-fils. Voilà, et son petit-fils. Et sinon, moi aussi, d'une série récente que j'ai regardée, par contre, que j'aime bien, c'est Miraculous Ladybug. Voilà, je sais pas si quelqu'un en a entendu parler aussi. Du tout. Non, c'est pas. Ah, d'accord. Bah, c'est une série française, donc ça bah, quelle heure. Ah, au revoir. Je crois qu'on est coupé, là, pas sous un tunnel. Non, mais elle est pas mal. C'est le principe, en fait, de la Magical Girl couplée à celle de la super-héroïne. Donc ça doit plaire, quoi. Donc Ladybug est le surnom, c'est-à-dire coccinelle, de l'héroïne quand elle se transforme avec ses boucles d'oreilles, donc ça fait Magical Girl, mais elle se transforme vraiment en super-héroïne avec un masque et tout. Elle doit donc sauver la ville de gens qui régulièrement, quand un papillon maléfique se pose dessus, se transforme en super-vilain, notamment des gens en colère ou tristes, un papillon se pose dessus, ils deviennent des super-vilains qu'il faut défaire, et qui sont envoyés par un super-vilain qu'on appelle le papillon, à qui contrôle les gens à distance avec. Elle a une sorte de sidekick qui s'est surnommé le chat noir. Alors lui, il a les pouvoirs de la malchance alors qu'elle a les pouvoirs de la chance, c'est thématisé. Et dans la vraie vie, son camarade de classe, mais évidemment, ils n'en ont aucune idée. Donc moi, je me dis, c'est un concept qu'on dit toujours qui est très ringard et tout, de ne pas se reconnaître. Mais je trouve ça plutôt marrant, en fait, parce que bon, ça faisait le succès des vieilles histoires de super-héros, en fait, on va dire. Et il reprend aussi certains éléments de Spider-Man dans le... Par exemple, il y a la peste de la classe qui déteste donc Marinette, qui est le nom de l'héroïne. Mon Dieu. Mais qui admire Ladybug. Donc c'est un peu Flash Thompson en fille, quoi. Ouais, d'accord. Par exemple. Et la meilleure copine donc de Marinette, Alia, elle fait un peu la reporter sur les dents, là. Elle tient un blog. Et un côté Lois Lane, quoi, vouloir savoir de la vérité, mais aussi en même temps un peu, limite Jonah Jameson, je dirais. Parce qu'un jour, elle se fait, elle aussi, akumatiser. Donc c'est le terme. Un papillon aussi qui la change en Lady Wifi. C'est le nom de super vilaine. Et elle dit, notamment, on dit que c'est une super-héroïne, Ladybug, mais qui vous dit que c'est pas une super-vilaine, parce qu'on sait même pas qui elle est. Moi, je me dis, bah, Jonah Jameson aurait pu sortir un truc pareil. Voilà. D'accord. Donc, je me dis, ça reprend des éléments d'histoire classique. Et donc, il y a 4 épisodes pour le moment, mais je les ai bien aimés, moi, voilà. D'accord, donc, d'accord. Je recommande. Alors moi j'ai une petite curiosité à vous parler que je découvre, ça s'appelle Ultimate Rugby Battle. Et en fait, c'est les personnages de Ken le Survivant qui jouent au rugby, en animation. Et là, je suis en train de regarder ça et c'est bien fichu. Alors, c'est sur mon mur si vous voulez voir ça plus rapidement. Vous allez sur mon Facebook Arcangeli, vous allez voir ça. Je viens de le partager là. Et c'est en noir et blanc, mais c'est super bien animé, super bien HD avec donc Rao, Toki et tout le tralala qui est le survivant qui joue au rugby. Là, c'est Sauzer qui a la balle, donc tu vois, c'est assez sympathique. Et sinon, autre chose aussi, il y a par rapport à nos amis d'Astérion, c'est le dessin animé là, que oui. Marouin essaie de réaliser. Il y a un Ulule pour financer l'épisode pilote et pour aussi faire un manga dérivé d'Astérion. Donc allez jeter un œil parce que c'est vachement bien fait. N'oublions pas qu'il essaie de reprendre tous les réalisateurs de la belle époque au Japon qui faisaient tous les dessins animés que nous avons tenté. Mais donc voilà, c'est faire du neuf avec les vieux de la vieille, ceux qui savaient faire. Donc Astérion, hein, vous avez trouvé ça sur Ulule tout machin, sur mon mur aussi, c'est pareil. Voilà, Chris, où en étais-tu? Je laisse Chris alors. Oui, mais tu peux. Ouais, ouais, au revoir. Ciao. À bientôt. Ciao. Donc voilà, où en étais-tu, Teton? Oui, donc je parlais, bon, on était toujours sur Back to the Future, le retour à la future. Donc j'ai parlé du bouquin. Alors, c'est ce week-end. Si vous êtes dans la région de Thionville, c'est un petit peu plus... C'est en Moselle, si je ne dis pas de en bêtises. En Meurthe-et-Moselle. Du côté de Metz et ce coin-là. D'accord. Il y a une association sympa qui organise un gros événement autour de Retour vers le futur. Alors, figurez-vous qu'ils assurent, là, ils ont réussi à faire venir deux acteurs de la série. On ne va pas les reprendre. Là, c'est les acteurs, là. Mais là, c'est les vrais acteurs. Ils ont recréé la salle du bal version 1955. Mm-hmm. Et à la reproduction, mais près, il paraît que c'est sublime. J'ai vu quelques photos, bon, faut voir en vrai, mais déjà avec les photos, c'est un truc de ouf. Ils refont le bal et figurez-vous que le chanteur des Starlighters, qu'on voit dans le film, sera présent samedi. Ah oui. Donc c'est lui-même qui interprétera son propre rôle. Par contre, il a changé physiquement, j'imagine. Il a changé un petit peu, mais on le reconnaît quand même. Il y aura Luc Hamet aussi qui introduira le bal et qui nous fera son fameux bon vieux rock rétro, etc. Attends, il faut qu'on se le coince, Luc Hamet, là, c'est pas possible. Et donc, il y aura aussi l'actrice qui faisait Jennifer. Mm-hmm. Laquelle, la deuxième ou la première? L'originale, la première. La vraie. Ah, celle qui est donc, plus jolie, quand même. C'est plutôt sympa. Et donc, il y a un bal avec plein d'activités, etc. Il y aura aussi une DeLorean. Enfin, c'est un week-end sympa si vous êtes dans le coin. Donc, alors je crois que c'est complet, par contre. Ah bah alors, complet. Tu nous donnes les informations quand c'est trop tard. Je le donne au cas où certains sont déjà éventuellement intéressés, déjà invités, ou peuvent contacter peut-être les organisateurs. Il y a toujours des places de dernière minute. Uh-huh. Si vous êtes dans le coin, ça peut être vraiment un super week-end. Et il y aura une projection du film en VO, donc sous-titré français au cinéma de la ville au préalable. D'accord, ah oui, tiens, d'ailleurs, ça me fait penser. Donc la soirée au Grand Rex, forcément, c'était en version française, les films. Exactement. D'accord. Précisons pour les puristes qui vont encore... Bref. Et alors, j'en termine. J'avais parlé des soundtracks il y a 15 jours, quand c'est on a parlé possible. De cet événement. Alors, anniversaire oblige, il y a des petits labels sympas aux States, comme... ils nous sortent les musiques. Varese Sarabande, mais ils sortent j'ai entendu ils sortent parler, pas tout encore. Ah, jamais tout. Varese Sarabande, pour te donner une idée, c'est eux qui avaient sorti en 2012, ça date déjà, l'intégrale. C'était une première. À l'intégrale, là, par contre. De La Planète des Singes, le premier film, il y avait toutes les musiques, c'était jamais sorti. Ah-ha. Il y avait que certaines musiques qui étaient sorties en vinyle à l'époque. Ils avaient fait un CD avec tous les inédits, les machins et tout. Et que bien sûr qu'on trouve plus. On peut trouver en occasion, c'est un petit peu cher, mais on trouve encore. D'accord. Donc, eux, figure-toi, qui nous sortent pas mal de musiques de l'Opus 3. C'est vraiment de l'inédit parce qu'il n'est pratiquement rien sorti, donc ils nous en sortent beaucoup plus. Mmh. Mais ce n'est pas encore exhaustif. C'est pas mal, mais ce n'est pas encore exhaustif. Il faut le faire soi-même hein, si on veut. Hein. Il existe, comme je l'ai dit, la possibilité de trouver des versions underground, entre guillemets. Il y a toujours moyen. Voilà. Où il y a l'intégralité, y compris les chutes de studio, ce qu'on appelle les sessions, etc. Mais c'est quand même un double CD qui est limité à 5000 copies. Il y a déjà pas mal de préventes. Les envois se faisaient à partir d'aujourd'hui, donc vous allez sur le site, ils prennent PayPal, hein, donc si vous êtes collectionneur, voilà. Et il y a un deuxième label qu'on connaît bien qui est Intrada. Intrada, pour vous donner un ordre d'idée, c'est un petit label bien sympa comme notre Music Box Records en France. Petit label de passionnés qui sort des CD édition limitée à 1000, 2000, 3000 copies. Mm-hmm. Et eux, ils nous sortent un double CD des musiques de l'Opus 2. D'accord. Et j'ai fait le comparatif avec l'intégralité des musiques... Et ce qui sort, et pour l'Opus 2, pour le coup, il y a pratiquement tout. Il n'y a pas encore tout, mais il y a pratiquement tout. Donc il y a en tout cas beaucoup plus que ce qui était sorti, c'est-à-dire trois fois rien à l'époque. Mais juste le score. C'est ça, voilà, le score, c'est les chansons. Juste le score. Là, j'ai perdu ma leçon. Donc c'est plutôt bien. Si vous êtes collectionneur, je vous conseille aussi, c'est en série limitée, donc dépêchez-vous. Alors, j'imagine que tu as suivi l'actualité, que tu as vu le passage de Michael J. Fox et de machin alors, chez le Jimmy Kimmel alors, Live, truc chaud, mais je voudrais parler rapidement de cette émission. Mmh. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on a pu voir sur YouTube, c'est qu'une infime partie de l'émission qui dure quasi 55 minutes... Et ils étaient là tout le long. Alors, pour le sketch, ils sont là tous les deux. Mm-hmm. Donc, le sketch de 10 minutes qu'on a pu voir après, sur YouTube. Et après, il y avait Michael J. Fox, mm-hmm. qui était, bon, on voit qu'il est fatigué, qu'il a des problèmes de santé, mais qui a quand même bien assuré, qui était en forme. Et la partie... Qui apparemment a vu sa figurine. Exactement, je voulais parler de ça, la fameuse, Hot Toys. Oui, c'est ça, c'est Hot Toys. Donc, vous savez, les fameuses figurines... Super réalistes, super bien faites, avec le vieux visage et tout, les vêtements, tissus. Il y a d'ailleurs un Rio Saeba qui était vraiment génial. Mm. Il y en a d'autres de Star Wars qui arrivent, qui sont tombés par terre. Et donc, il le prix aussi. Montrer, ouais, c'est des figurines qui valent entre 200 et 300 euros. Voilà. Donc, alors, et plus après. Petite astuce, essayez de regarder un petit peu quand ça sort au Japon et de précommander. Ça vous coûtera moins cher, même avec le port, quand ça sera en vente en Europe. Voilà. Je vous donne un exemple. Sur les boutiques japonaises sur lesquelles on peut commander ou si vous avez un ami là-bas, ça va vous coûter hors port 170 euros. Ah oui. Allez, on arrondit avec le port, ça fait 200. Admettons. Maxi, en port express. Hein. Ouais. Attention. Quand ça va arriver dans nos boutiques en Belgique ou en France, pour l'Europe, c'est où elles sont majoritairement vendues, ça va aller de 280 à 300 euros. Donc, ouais, donc vaut mieux. Voilà, et en plus, vous serez sûr d'avoir l'original parce qu'il y a aussi des copies taïwanaises. Hein, déjà attention. Oui, oh, avec les Hot Toys. Donc okay. Attention. D'accord. Et donc, ils lui ont présenté cette fameuse figurine et puis il y a eu tout un tas de, boutades assez drôles, dont une, puisque la figurine est sur un socle. Oui. Et donc, il dit au présentateur, regardez, j'ai un truc dans le cul. En fait, c'est le truc pour tenir la figurine. Donc, c'était une émission sympa. Si vous avez l'occasion de la choper sur le net vous comprenez un peu l'anglais. Je parle de l'intégralité, hein, je parle pas des bouts. Moi. Mais tu as vu que les Inrock ont fait un papier en se foutant de la gueule des acteurs et tout ça. Alors, tu aurais pas dû citer. Voilà, citer ce bip de. C'est même pas un journal, ce truc de merde. Mais si, je cite pour que les gens l'achètent pas. Qui n'est même pas bon. On balance, nous. Hein. J'assume pour, en termes de torche-cul. Les Inrock, c'est comme un peu Télérama. C'est des gens qui n'aiment rien, qui n'apprécient rien. D'accord. Qui font de la critique même pas constructive, ah bah qui non. démolissent tout. Et qui aiment que les trucs chiants. Donc ne lisez pas les Inrock. Et voilà. Puis je suis désolé, ça a fait plaisir à tous les fans. Alors, on a bien compris, Christopher Lloyd, il a pratiquement 80 ans. Ah hein. Oui. Donc évidemment, il va pas sauter partout comme s'il en avait 20, mais il faut être réaliste. Il a quand même bien assuré, il a improvisé, il avait l'air en forme. Michael J. Fox, avec les soucis de santé qu'il a, c'était quand même bien qu'il ait pu venir. Il a Parkinson depuis longtemps. Oui, depuis qu'il a l'âge de 27 ans, malheureusement. Il a quand même fait un gros effort, c'était génial de marquer le coup. Donc, faut retenir ça. C'était réussi, leur petit sketch. Et puis, moi, j'ai pas craint. Je le dis, merde aux Inrock. C'est voilà. ça. Ce journal de merde, ça y est, je l'ai dit. Oui, mais ça fait du bien, il faut que ça sorte. Hein. Donc, si vous avez l'occasion, regardez l'émission en intégralité, si vous comprenez un peu l'anglais, bien sûr, parce qu'elle est plutôt sympa, l'émission. Moi, je comprends rien, mais ça va pas empêcher. On a plein de choses à dire, là, vite. Eh ben, vas-y, je t'écoute, moi. Alors, si vous êtes fan de Angel Art, ça y est. Le drama, le fameux drama qu'on nous a promis, qu'on nous donnait comme étant fantastique et vraiment fantastique, il a démarré au Japon. Le 11 octobre, on en est au troisième épisode. Alors, c'est diffusé le dimanche à 22h30 sur NTV, donc Nippon TV. Nippon TV, chaîne japonaise. Pas MTV. Hein. Voilà, MTV, Nippon TV. C'est vraiment... Alors, tout y est, c'est énorme. Alors, le casting est génial, on retrouve tous les personnages. Donc, vraiment un Nicky Larson, quoi. Béton. Les personnages sont béton. Il y a le bar Le Calzaz, il y a tout, il y a la petite voiture. Fidèle au manga, franchement, essayez de choper ça sur le net et regardez. C'est à tomber par terre. Si vous êtes fan de Tsukasa Ojo, de son œuvre, de Angel Art et tout ça, allez-y, les yeux fermés. Donc Angel Art, je rappelle que c'est la pseudo-suite de Nicky Larson. Voilà, mais c'est pas une vraie suite. C'est une suite, comme dit l'auteur, dans une sorte de dimension parallèle. Oui, enfin, il dit ça pour se dédouaner de la mort de Laura, mais en fait, c'est la suite de Nicky Larson. Hein, c'est tout. Ouais, c'est qu'il dit ça pour les esprits chagrins qui n'ont pas encaissé que Laura mourait. Hein, c'est tout. Hein. En gros, c'est une suite imaginaire. Ouais, voilà, parce que ça l'arrange pour calmer les esprits chagrins. Mais c'est la suite, hein, après c'est donc, tout. Donc l'acteur qui fait Rio Saeba, alors je le connaissais pas, c'est un monsieur d'une cinquantaine, mais qui a la classe, hein, franchement, bien taillé. Ah bon, il a 50 ans, bien. On dirait 50 pas. Ans. Takaya Kamikawa, ah, je connaissais souhait. Pas ce monsieur, ah, bon, non, du mais coup, c'est très bien. Donc on en est au troisième épisode. si vous pouvez choper, regardez ça. Bon, on trouve hein, sur le net. C'est vraiment, vraiment énorme. C'est de la bombe, bébé. C'est de la bombe, bébé. Alors, notre ami Lupin, on en a parlé, mais on en reparle à plusieurs choses. Alors, parce qu'on adore Lupin. Nos amis, oui, c'est un héros culte, attention, liaison. C'est ça, c'est un héros culte. Les petits gars de chez Black Box, alors j'espère que vous allez faire le job, le boulot comme il faut, nous promettent. Enfin, c'est bien. Oui. Donc là, on vous passe en musique de fond. BGM. Un BGM de la dernière saison. Je vous le rappelle, la saison 4 de Lupin. Lupin the Third Part 4, Aventura Italiana, mais oui, l'aventure italienne, coproduit Japon-Italie. Mm-hmm. Ça a démarré au Japon le 1er octobre 2015, sachant que les Italiens, primeur oblige, qui sont actuellement au 17e épisode, ont eu droit dès le 30 août à la série. Voilà. Alors, Yuji Ono, bien entendu, à la musique. Comment on le reconnaît d'ailleurs. C'est tombé par terre. La BO vient de sortir, elle est sortie le 21. Il y a deux volumes, des musiques à tomber, c'est superbe dans le style de ce qu'il nous a fait. Donc, génial. J'avais parlé du fameux MOOC Artbook. Alors, oui. Malheureusement, j'espère que vous l'êtes procuré parce qu'il est épuisé au Japon. Et il n'y a plus. Donc, encore eBay, machin, mais bon, là, méfiez-vous des prix aussi. Ouais. C'est un gros succès. La BO fonctionne très bien. La figurine est sortie, veste bleue. Uh-huh. Attention, pareil, elle s'est très bien vendue le jour de la sortie. Là, ils ont sorti tout ça le 21, presque épuisée aussi. Donc, elle vaut une vingtaine d'euros, elle est énorme, elle fait 30 cm. Ça vaut pas la peine de se priver alors. Ça vaut pas la peine de se priver, allez-y, hein. allez-y. Je fais vite parce que le temps passe. Lupin 3, donc nos amis de Black Box, le 14 décembre, alors on va pas nous sortir la quatrième série, pour l'instant, faut pas rêver. Ils nous sortent Fujiko, une femme nommée Fujiko Mine. Ah, ils vont sortir la série sur Fujiko. Voilà, la série sur Fujiko spéciale, qui était spéciale. C'est plutôt ce qu'on appelle de l'artwork, un truc design super sympa. Ouais. Faut être fan quand même. Alors, ouais. Le coffret sortira le 14 décembre à 50 euros. En sous-titré. Oui. Parce et que en j'imagine plus, qu'ils vont pas doubler en ça. Bonus, le CD de l'OST. Bon, c'est sympathique. Sympa. Alors, bon, j'apprécie l'effort, mais personnellement, je préférerais qu'on me sorte plus d'épisodes de la deuxième saison. Ouais, mais bon. Mais c'est bien qu'ils osent sortir du Lupin. Ouais, hein, grosse année Lupin, hein, on en a parlé souvent depuis août, mais c'est vraiment un des événements japanime de cette année. Hein. Mmh. La qualité est vraiment exceptionnelle, ça fait des années qu'on n'a pas eu une série aussi bien travaillée, aussi bien produite. C'est toujours TMS. Je sais plus ça. Mais on verra. Je vous dirai la prochaine fois. J'ai un trou de mémoire. En tout cas, c'est du. J'avais parlé hein, du Cara Design. Bien sûr, sur le Cara Design et le chef directeur, on retrouve un petit gars qui avait bossé sur Mamo et sur Cagliostro. Donc du bon, quoi. Que du bon. D'ailleurs, certains personnages ont le Cara Design de Mamo, hein, comme Jigen et Zenigata, par exemple. Mm-hmm. Donc on voit vraiment qu'on est dans le Lupin qu'on aime. Hein. D'ailleurs, dans les Zoévi, là, tu sais, de Jigen doit mourir, je sais plus, c'est ça oui, le titre. Hein. C'est ça. On voit Mamo à la fin. Chut, faut pas le dire, il spoil, c'est pas bien ça. Ah ben, je sais très bien qu'ils vont pas le regarder le truc, alors. Si, les fans vont. Bah, les fans l'ont déjà vu et ceux qui connaissent pas, ils risquent pas de le voir. Qui était en deux parties. Hein. Tout à fait. Je précise, c'était vraiment réussi ça. Ah ouais, j'ai bien aimé, ouais. Mais non, la Lupin, c'est l'événement japanime de l'année. Un cara design de fou, une musique de folie, un scénario béton, une réalisation à tomber. Je vous dis, là, on est vraiment dans la qualité des produits qu'on avait début 80. Ouais, donc ça, là, ça c'est énorme, plaisir. Là, faut y aller, ça fait plaisir. Alors, je voulais parler de Lady Oscar. Oscar, si tu peux nous le mettre en fond, d'ailleurs. Ah bon, bah alors là, tu me demandes compliqué, hein, faut que j'aille le chercher, ça. Attends. Alors, vas-y. Ce que vous entendez, c'est... voilà. Enfin, vous entendez plus, mais... Ce que vous entendiez... Voilà. Alors, ça ne t'a pas échappé, Lady Oscar revient à la fin de l'année. Si, ça m'a échappé justement, c'est un scandale. Ah bon? Ah oui, ça m'a échappé, alors comment ça se fait? Alors, je te raconte. Dis-moi tout. Ce qu'on nous promet et puis les bémols, parce qu'il y a des bémols quand même. Ah ouais, c'est à bémol. Hein. Donc à Tanim, il y a toujours des bémols, surtout avec... mais tu veux dire qu'ils ressortent encore en DVD pour une énième fois. Alors effectivement, ça ne va pas échapper, ça, oui. Oui, mais alors... Mais ça n'a aucun intérêt à mes yeux, donc c'est pour ça. Alors ce qui est intéressant, par contre, là on nous promet des belles choses. Enfin, il y aura du Blu-ray et chez TMS, on sait qu'on peut avoir de la qualité à ce niveau-là. Il y aura le combo Blu-ray DVD. Alors le format du coffret, 30 cm par 30 cm. Ça équivaut, si tu veux, à une BD. Ouais, donc ça sera comme un livre, si tu veux, avec les DVD Blu-ray incrustés dedans. D'accord. Donc j'ai vu quelques previews de, mm-hmm. de l'artwork, c'est plutôt réussi. Ouais. Et alors, on nous promet là-dedans des études historiques de chaque épisode. Ouais. Un portrait de Ryoko Ikeda, des croquis de production, un petit pamphlet sur la différence entre l'anime et le manga, des analyses sur les costumes, les biographies complètes du staff, les personnages, tout ça vraiment, vraiment top, avec une qualité de folie. Alors je le rappelle, attention, ça sort chez Atanim. Atanim. On a déjà longuement critiqué en long, large et en travers. Gros souci à chaque fois qu'ils sortent un produit, à l'exception du coffret Ultimate de Cobra, qui est une réussite. Voilà, c'est bien, on est dans le sujet. Avec notre ami Marie Dauphin qui chante. Bah oui, notre ami Marie. Hein, fait faut pas oublier qu'Atsai, ça avait été un désastre. Oui. Qualité très moyenne par rapport au master japonais. Mmh. Des versions tronquées, sans les high catch, sans les génériques. Sans les génériques, du c'était tout. Du grand n'importe quoi. Ouais. Le Tom Sawyer qui a été, au mieux de, recadré. D'avoir un format, respecté un format recadré, ouais. ce qu'on appelle un upscroll, là, ouais. avec des bourronniers par côté et en hauteur. Donc c'était du, en hauteur, pardon. Ouais. C'était du grand n'importe quoi. Ça valait absolument pas le coup, valait mieux garder ses coffrets IDP. Mmh. Donc l'île au trésor, pareil, une version vraiment pas terrible. Donc on espère qu'ils vont être sur la lignée du Cobra et nous sortir un beau coffret collector ultimate de Lady Oscar. Bon, en même temps, Katsai, c'était leur premier coup, alors on peut admettre que pour le premier ouais, coup, ils étaient pas au point. Ouais, mais dans ce cas-là, ils avaient qu'à prendre une série de merde et pas Katsai, une série culte. Ah ouais, mais enfin, s'il faut une série de merde, on l'achètera pas, alors c'est pareil, on se mord la queue, là. Donc si vous êtes fan de Lady Oscar et puis après avoir regardé les avis et écouté notre test, parce qu'on testera comme d'habitude, ben oui. ça peut être un bel objet si c'est bien réalisé. C'est original, c'est vrai que d'avoir... Mais néanmoins, si vous avez le collector IDP, il est très bien. Hein. Ah oui, il est très voilà. bien. Par contre, il n'y avait pas de Blu-ray. Et dedans. Alors, est-ce qu'on sait qu'il y a, s'il y a les histoires de doublage? Parce qu'il y a deux épisodes qui avaient été redoublés et sur le IDP, on avait donc les deux versions. Et à ce niveau-là, est-ce qu'on sait ce qu'ils vont nous alors, mettre là-dessus? Aucune info de la part d'Atanim, mais les connaissances, ça m'étonnerait qu'il y ait deux versions. Bah en tout cas, il faut au minimum la première. Hein. Faites pas les cons, hein. Mettez pas la deuxième. Faut hein. pas oublier que chez IDP, on avait droit à des passionnés qui faisaient le job, hein, comme on dit. Voilà, ils c'est des ça. Super boulot. Hein. C'est ça. Donc. Alors qu'Atanim, on n'est pas persuadé qu'il soit très connaisseur, en fait, au vu des trucs qu'ils nous font. Non. Et voilà. Ceci étant, chez Atanim, il y a des anciennes casées. Voilà. Oui, mais enfin, Kazé, c'est pareil. Il hein. y a des gens qui sont pas forcément compétents là-dedans. Hein, quand on voit ce qui sortait à l'époque et compagnie. Pourquoi tu crois-tu que je fais un parallèle hein. Oui, oui. Hein. Donc, moi, je dis bémol. Attention, faut voir. Ça oui, dépend avant qui. D'acheter, vous ne riez pas dessus parce qu'il y en a quand même pour 99 euros. Ah oui, bah alors c'est bon, au revoir. Donc, attendez les tests, notre test, oui, les on avis vous dira sur s'il les faut différents pas, forums, etc. Et si vraiment la qualité est au rendez-vous, vous achetez. Sinon, vous n'achetez pas, c'est bien ça. Entendu. Ça va sans dire. Et ben voilà, on a réussi à faire le tour de toutes les c'est news bon, de l'actu. C'est bon, t'as tout dit ce que tu voulais. Voilà, la c'est suite pas beau, ça. Au prochain épisode. Voilà, voilà. Bon, bah, qu'est-ce que je... Table. Moi, j'ai rien à rajouter, non, non plus. Sous la révolution. Ah si, j'ai un petit truc à dire. Si, Japan Tour. Japan Tour, donc c'est 19, 20, 21 février, je crois, de mémoire. De toute façon, ouais. ça tombe en même temps que mon anniversaire, c'est vachement assez, bien. C'est assez loin, mais hein. c'est pour vous dire qu'il va y avoir un concert aussi avec les chanteurs d'origine. Donc d'ores et déjà, je crois que je peux vous dire qu'il y aura Michel et Valérie Barouille, ça c'est acté, hein, plus ou moins. Il y en aura d'autres aussi, c'est des surprises, donc voilà. on ne peut pas vous le dire. Il y en aura aussi d'autres. Donc, il va y avoir du lourd. Hein. Donc vous bloquez votre week-end là, du 21 février prochain pour aller à Tours. Et c'est une convention qui est vraiment sympathique. En bas, vous avez les magasins si vous voulez acheter. Au-dessus, vous avez la partie intéressante, donc avec les invités, il y a du lourd. L'année dernière, il y avait pas mal de comédiens de doublage très intéressants, Gilles Laurent, Thierry Bourdon, avec Odile Schmitt et compagnie. Qu'on peut voir de manière agréable parce qu'il n'y a voilà, pas trop de monde, etc. C'est, et puis, c'est bon enfant, c'est cool. C'est-à-dire que les fans, ils sont en haut avec les bons gens et puis le tout venant, les kikoulol, ils sont en bas à acheter des pop. Voilà, donc il y a aussi les youtubeurs qui sont mis de côté quand il y en a, ou les jeux vidéo. Il y en avait pas bruyant. Oui, il y en avait. Y en bah, avait. Je ne les ai même pas calculés, c'est pour te dire. Hein. Parce qu'ils ne sont pas mis en avant. Ah, ben c'est normal, ils sont à leur place. Ils sont à leur place. C'est-à-dire que t'es là, c'est bien, non, mais il n'y a pas de quoi en faire un pataquès. Bien, et puis, voilà. Petit indice, mais je ne peux pas en dire plus, aha. pour ce fameux salon. Si vous êtes fan de Sherlock Holmes, aha. le manga, vous ne serez pas déçu. Voilà. J'en dis pas plus. Ah oui, bah, moi je sais, alors à ce moment-là, je sais. Oh, oui, ça, j'en dis bien. Pas plus. C'est bien, c'est très très bien, ça c'est parfait, c'est parfait, c'est très très voilà, bien. Voilà, il faut garder les surprises. Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, bah alors maintenant, il est l'or, monseigneur. Voilà, donc du coup, bah, je parlerai la prochaine fois des fameuses arnaques sur le web, comment ne pas se faire reconnaître le vrai du faux, comment bien acheter, comment ne pas se faire avoir par les prix et évaluer soi-même, enfin approximativement, en tout cas de manière un peu plus efficace, la valeur réelle d'un objet, d'un collector. Voilà. Ça sera pour la prochaine fois. Bon. Et on se quitte donc avec un petit cours d'orthographe que je vous avais donné il y a quelques temps déjà et que vous avez bien plébiscité. Alors, je vous la remets un petit coup. Hein. Alors, bien sûr, ceux qui savent écrire ça, il n'y a pas de problème. Ceux qui ne savent pas, eh ben, je vous suggère d'écouter ça. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine et ce sera pas à la star. Ah, Migo. Migo, voilà. Ah, mais... Pas vrai, ça. Hein. Tous les jours quand j'allume Internet, c'est la même faute qui surgit. Ils écrivent ça comme ça, mais ce n'est pas possessif. Quel que soit leur âge et quels que soient les gens, c'est la même faute écrite tout le temps. Ce n'est pourtant pas compliqué, c'est un CC dit qu'il faudrait mettre à ça pour corriger, pour que ce soit français. CC dit, ça, ça s'écrit avec un CC dit. C'est dit, sinon ça part en vrille.